FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Télévision, Télévision, le film L'école du rock deviendra une série pour enfants à la télé. Bon, de l'école à la télé, en tant qu'il ne me force pas à regarder des cours d'éducation physique. Dans Segment Geek Scenic, des robots voient à travers les murs en se servant du Wi-Fi. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Est-ce Superman? Non, c'est un robot pervers. Et dans Merci Science, une orthèse robotisée pour mieux marcher. Hey, marche, marche, marche! Le Mathieu Plancheau avec Mathieu Plancheau commence maintenant! Et voici celui qui regarde à travers les murs, le fruit pour trouver les chips cachés derrière. Hein? Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, le segment Geek CNX, le survol du net dans WoW at Web, c'est un fait Technician et la chronique de science et technologie Merci Science. On va aussi continuer notre série musicale Super Mario 64 Portrait of a Plumber, qui rend hommage à la musique de Super Mario 64 sur la Nintendo 64. Dans quelques minutes, on va débuter avec Television, bien sûr, mais avant ça, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo créés à partir de consoles de jeux vidéo. Et le premier extrait est un hommage au nouveau film des super tortues ninja adolescentes imitantes, les Teenage Mutant Ninja Turtles. Le premier film dans le temps avait une chanson thème qui s'appelait Turtle Power. C'était vraiment bizarre comme chanson. Les paroles étaient assez étranges. Donc on s'en va l'entendre. C'est un remix par Mega Ran tout de suite au Mathieu Plancheau. Sur C'est fou. Mysterious. All police and detectives are furious, 'cause they can't find the source of this lethally evil force. This is serious, so give me a quarter. I was a witness, get me a reporter. Call April O'Neil in on this case. Hey, you better hurry up, there's no time to waste. We need help like quick on the double. Have pity on the city, man, it's in trouble. We need heroes like the Lone Ranger. When Tonto came pronto, when there was danger, they didn't say they'd be there in half an hour, 'cause they displayed total power. Trail, determined to put these crooks in jail. She spied the bad guys and saw what happened, but before she knew it, she fell in a trap and got caught. Yes, she was all alone, with no friends and no phone. Now this was beyond her worst dreams, 'cause she was cornered by some wayward teens. Headed by the shredder, they were anything but good. Misguided on love, they called them the foot. They can terrorize and be angry youth, and they mugged the people who needed proof. Then from out of the darkness came an awesome sound. Shouted cowabunga as they hit the ground. From the field of weeds, the heroes rescued the flower, 'cause they possessed turtle power. When there's a battle, got the enemy wishing that they stayed at home instead of fighting. These ninja masters with moves like lightning. They were once normal, but now that mutant splinters the teacher, so they are the students. Leonardo, Michelangelo, and Donatello make up the team with one of the fellow Raphael. He's a leader in a group transformed from the norm by the nuclear goop. Pieces of food that's sure to please. These ninjas are in the pepperoni and cheese. Back to the story, it's not hard to find. Ninjas not gifts of the body, but of the mind. is for real. So you fight for justice. Your shell is hard, so you shot they can't bust us, fool. Like some old coffee table. Since you were born, you've been willing and able to defeat the sneaks, protect the weak, fight for rights and the freedom to speak. Now the villain is chilling, so you make a stand. Back to the wall with your sword in your hand. Remember the words of your teacher, your master. Evil moves faster, good moves faster than light. Shining for your illumination. Good versus equal equals confrontation. So when you're in trouble, don't give in and go sour. Try to rely on your turtle power. Real hip hop, Mega Ran et Turtle Power par Partners in Crime. À l'époque, la chanson thème d'origine du premier film des Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtle Power, en effet. Ce qui est bizarre dans la chanson, nous dit l'article de Kodaku.com, c'est qu'il y a une phrase qui dit « Leonardo, Michelangelo, Donatello sont dans l'équipe avec un autre gars, là, Raphaël, qui est le leader du groupe. » C'est pas vraiment le leader du groupe, Raphaël. Ça fit avec la rime de la chanson. Ça nous amène à parler de télévision, comme les Teenage Mutant Ninja Turtles étaient à la télé. Hein? Donc, voici Television, Television. Encore une autre petite semaine de télévision dans cette chronique Television Television. Commençons avec V. On a commencé la semaine passée aussi avec ça, avec les nouvelles émissions du matin de V, avec Jean-François Barry, Marie-Pierre Morin, tout ça. On avait déjà parlé un petit peu. Mais on a appris des titres, on a appris des faits additionnels depuis la semaine passée. Donc V qui a levé le voile sur les nouveautés matinales qui seront mises en onde à compter du lundi 8 septembre prochain. Eux commencent tard quand même, lundi le 8. Ils ne veulent pas commencer un mardi après la fin du travail. Je ne sais pas pourquoi. Donc après le talk show matinal, ça commence bien, dont on a déjà parlé la semaine passée, du lundi au vendredi à 7h. Les téléspectateurs retrouveront dès 9h les animateurs à la barre du nouveau magazine. Ça commence bien plus. Hein? Ça commence bien plus. Pareil comme dans le temps. La semaine passée, j'ai chialé contre V parce qu'il arrête pas de ramener les mêmes idées sans cesse. Oh, Jean-François Barry pour l'émission du matin, il a déjà animé l'émission du matin. T'sais. Il y avait une raison pour laquelle il a arrêté d'animer. Mais là, il recommence à faire pareil comme l'extra. Dans le temps du show du matin avec Gilda Roy et les autres, il y avait le show du matin. Et ensuite, il y avait le show du matin, l'extra, qui était une autre heure, aussi à 9h, où il y avait des trucs de consommation. On va refaire la même chose encore, hein? Parce que, tu sais, quand quelque chose ne fonctionne pas, tu le refais, donc, dans cette formule plus décontractée, Jean-François Barry, Alex Perron, Andy Maillé-Pressoir, Chérie Sauvier-Castonguet et Lisa-Marie Blais recevront chaque jour des chroniqueurs qui se pencheront sur des sujets pratiques afin d'aider les téléspectateurs à améliorer leur quotidien. Cuisine, famille, psycho, techno, plein air, environnement, potin, musique, cinéma, décoration, rénovation et jardinage. Donc vraiment la même chose que l'extra. L'extra qui était devenu site extra avec chose Saskia, tu vois. Il y a peut-être 2 ans, ça s'était retiré des ondes. On avait décidé de complètement blanchir le matin. Que des reprises, que des quiz, parce que ça fonctionnait pas le matin à V. Et là, on décide de ramener ça encore une fois. Ça va encore être un échec et ça va encore avoir l'air fou. Donc, dès 10h, le duo formé de Marie-Pierre Morin et Patrick Langlois, on avait dit, les anciens co-animateurs de Ça commence bien vont avoir leur propre émission qui va s'appeler Ménage à trois. Hein? Une émission où du lundi au vendredi, les deux amis passeront une heure avec amis forcés, il faut dire, avec une personnalité afin d'en apprendre le plus possible sur son univers et les découvrir, découvrir des facettes inconnues de sa personnalité. C'est donc la même chose aussi que la portion entrevue qu'on avait au show du matin dans le temps. Ce qui m'intéresse le plus, et en fait ce qui va durer le moins longtemps potentiellement, c'est Au-delà du clip, qui va commencer à 11h en semaine. Marie-Ève Janvier animera le magazine musical Au-delà du clip, dans lequel vidéoclip connu inspireront des thématiques à visiter dans un de ces vidéoclips-là. Donc, l'animatrice entourée de collaborateurs proposera des chroniques qui seront ralliées tous les amateurs de musique et de l'art de vivre. Donc, évidemment, toutes ces émissions-là vont être enregistrées dans les studios de Musique Plus. On l'a déjà dit, il y a une entente avec les studios That's It Studios. Il y a les studios physiquement de Musique Plus, c'est là que ça va être produit. C'est pour ça aussi qu'on a retrouvé chez Sauvé Castonguet à l'émission du matin. Donc, je sais pas, le contenu musical à Musique Plus est déjà très peu présent. Maintenant, on va essayer d'en mettre un petit peu à V à 11h le matin, en semaine, alors que tout le monde travaille. D'après moi, je dirais une saison. T'sais? Mais en même temps, j'ai dit la même chose de l'émission de clips vidéo du web, là. Les champions du web, une espèce d'émission, t'as genre la couche merdique, t'sais. Ça c'est comme 1000 pieds en dessous de ça, mais bon, donc je sais pas, bravo. Parlons de quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Pour moi, c'est Explora. Cette année, plein de nouveautés. Ici, Explora, donc ici pour ici Radio-Canada, Explora, prendra le virage techno. Cet automne, ils vont prendre le créneau un petit peu de ZTélé à son ouverture en 2001. Donc, ils vont reprendre ça. C'est vraiment une bonne idée. La direction se réjouit d'avoir atteint le 500 000 d'abonnés après seulement 2 ans d'opération, ce qui lui permet d'investir dans les productions originales et d'engager des figures connues pour représenter l'antenne. Parmi elles, l'ancien footballeur Étienne Boulay se joint comme présentateur de Génie de l'extrême qui infiltre les coulisses des grands événements du sport extrême. Pour l'instant, Génie de l'extrême ne compte que 3 épisodes. On cherche un partenaire anglophone pour en produire davantage. Donc, ça va commencer en décembre. En passant, je vous lis des extraits d'un article du Soleil. Repêché après la fin du journal techno à V, Jean-Michel Vanas quitte son sous-sol de Repentigny qui lui servait de studio pour accéder à de plus beaux décors à Planète Techno dès le vendredi 22 août 19h. Il sera entouré de la même équipe à laquelle s'ajoute Pascal Forget, qu'on a pu voir à la revanche des Nerds à l'époque. La série Le Monde de Demain, animée par une autre recrue de la chaîne et aussi une ancienne de la revanche des Nerds, la journaliste scientifique Marie-Pierre Elie, qui traitera entre autres de la délicate question des bébés conçus sur mesure au goût des parents. Il va y avoir 10 épisodes. Autre série à mentionner parmi les acquisitions hors Québec, un film, une histoire qui vérifie la vraisemblance de grands succès hollywoodiens comme Titanic et Les Dents de la Mer. On compare entre autres le scénario d'Apollo 13 de Ron Howard avec le véritable sauvetage de cette mission. Ça va être les mardis à 22h à partir du mois d'octobre. Donc, Explora. Génial, fantastique. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi cool, de la techno et non pas juste. Tu sais, il y avait Explora, c'était science, nature, des trucs comme ça. C'est super intéressant, mais le côté techno m'intéresse beaucoup. J'ai complètement arrêté d'écouter ZTélé après la première année, je pense. Quand ils ont fait le ménage dans tout ce qui était geek, là, j'ai arrêté d'écouter ça. C'était rendu seulement de la science-fiction, ça m'intéresse moins. Maintenant, parlons de School of Rock, l'école du rock, ou en France, Rock Academy, hein? reprendra bientôt les cours, cette fois à la télé. La chaîne américaine Nickelodeon a annoncé avoir commandé 13 épisodes de la série L'école du rock auprès de Paramount Television. Cette nouvelle télésérie sera diffusée à partir du printemps prochain. Le film de 2003 mettait en vedette Jack Black, qui jouait un rocker se faisant passer pour un professeur suppléant dans une école primaire pour familles aisées. La distribution de la télésérie n'a pas encore été annoncée. Richard Linklater, qui avait réalisé le film, et le producteur Scott Rudin en seront les producteurs exécutifs. Il s'agit de la première télésérie jeunesse produite par Paramount Television. Donc, l'école du rock, j'espère qu'une fois la traduction arrivée au Québec, on va l'appeler l'école du rock et non pas Rock Academy. Ce qui me rappelle, j'ai enlevé l'article parce que c'était beaucoup, beaucoup trop détaillé, mais ça parlait des émissions de l'automne sur différentes chaînes québécoises. Là, vous allez le voir dans le TV Hebdo, fait que j'ai pas besoin de vous en parler. Mais il y avait les nouvelles séries à Télétoon Rétro. Et parmi les séries, il y avait Mes parrains sont magiques sur Télétoon Rétro. Mes parrains sont magiques. Savez-vous ce que c'est, Mes parrains sont magiques? C'est ce qu'on appelle au Québec Télésir son désordre. C'est le nom au Québec. Donc, on va voir apparemment la version française de cette série-là à Télétoon Rétro. Je comprends pas comment ils font pour trouver ça. Tant mieux pour eux autres. Okay. Parlons maintenant de nouvelles séries américaines et de casting un petit peu. Notre Dawson préféré, James Van Der Beek, se joint à la distribution de CSI Cyber, ou ce que j'appelle Sci-Sci. James Van Der Beek, donc de Dawson's Creek, et plus récemment la sitcom Friends with Better Lives, vient de décrocher un rôle régulier dans la nouvelle série spin-off, dérivée donc de CSI Cyber, Crime Scene Investigation Cyber. Selon le site TV Line, James Van Der Beek va jouer un agent du FBI qui aime prendre les risques, donc il va s'appeler Elijah Mundo. Il a été recruté par l'agent spécial Avery Ryan, qui est le personnage principal joué par Patricia Arquette. Donc, Elijah Mundo est un expert en médecine légale sur champ de bataille, qui en connaît beaucoup sur les véhicules, les bombes et l'armement. Voilà. Donc, James Van Der Beek a tweeté la nouvelle sur son compte avec un de ses futurs collègues de la série, Charlie Coons. D'ailleurs, pour le résumé de CSI Cyber, en charge de l'agence de lutte contre la cybercriminalité à Quantico, Avery Ryan enquête sur les crimes touchant le monde virtuel et réel. C'est une nouvelle qui était quand même assez populaire pendant la semaine. Les salaires des gens de Big Bang Theory, trois des salaires seront triplés. J'avais quelques petites précisions à vous dire là-dessus, donc commençons l'article. Trois des cinq acteurs dans la série télévisée américaine à succès de Big Bang Theory vont voir leur salaire triplé à $1 million par épisode à l'issue d'un bras de fer réussi avec le studio Warner Brothers. Selon les sites de référence du secteur, donc Hollywood Reporter, Variety et Deadline.com, les cinq acteurs principaux de la série avaient refusé de reprendre le tournage jusqu'à ce qu'un nouveau contrat soit signé. D'après ces médias, Jim Parsons, qui incarne l'égomaniaque et surdoué Sheldon Cooper, Johnny Galecki, qui est le nerd romantique Leonard, et Kelly Cuoco, qui joue la drôle et séduisante serveuse Penny, ont obtenu le triplement de leur salaire jusqu'au tour qui était alors autour de $325 000 par épisode. Donc, ils vont dorénavant monter à autour de $1 million par épisode, un niveau de rémunération qu'on dit proche des records atteints par les acteurs de la série culte Friends. La chose à préciser, c'est que l'inflation fait que c'est pas vraiment tant proche. des gens de Friends, malheureusement. Mais les médias ont bien aimé dire ça. Donc, les acteurs de Friends avaient aussi, dans le temps, obtenu des salaires astronomiques en négociant ensemble. Et comme on le dit, les articles dans les médias comme ça ont l'air d'un petit peu dire, tu sais, ils en demandent beaucoup, les vedettes. Hein? Ils sont déjà riches, puis ça va être encore plus riche. Ouais, mais c'est parce que la carrière de l'émission, la durée de l'émission, dure pas tellement longtemps. Fait que pendant que le fer est chaud, en effet, peut-être que ça devrait demander le meilleur salaire que tu peux avoir, parce qu'en effet, ça durera pas longtemps. Donc, tu sais, faut quand même des fois travailler dans ce sens-là. The Big Bang Theory, donc, qui est reconduit pour 3 nouvelles saisons, est la comédie la plus regardée des États-Unis, avec une audience moyenne de 20 millions de téléspectateurs par semaine, selon les chiffres de la dernière saison finalisée en mai. Parlons maintenant des deux Comic-Con qui s'en viennent. Il y en a un à Montréal et un à Québec. C'est le premier d'ailleurs à Québec. Commençons par Montréal. Les astres sont alignés pour un Montreal Comic-Con mémorable. L'interprète du capitaine Picard dans Star Trek, Sir Patrick Stewart, sera au Palais des Congrès les 12 et 13 septembre pour signer des autographes et participer à des séances photos, nous dit la presse. Et il sera également à la tête d'un équipage de 9 vedettes de Star Trek The Next Generation pour l'événement spécial Engaged, présenté le 13 septembre à 18h. Seront aussi présents Jonathan Frakes, LeVar Burton, Michael Dorn, Marina Sirtis, Brent Spiner, Gates McFadden, Denise Crosby et John Delancey, tous donc de Star Trek The Next Generation. À Québec maintenant, les premiers noms commencent à sortir pour le premier Comic-Con de Québec. L'événement qui en sera sa grande première accueillera Steven Yeun à titre d'invité d'honneur de cette première édition du Comic-Con de Québec. L'acteur est surtout connu pour son rôle de Glenn Rhee, l'un des survivants du monde apocalyptique dominé par les zombies dans Walking Dead, l'une des émissions de télé les plus populaires du moment. Sera aussi la partie Mick Foley, aussi connu sous le nom de, ben en fait sous les noms de Mankind, Dude Love et Cactus Jack. Donc c'est une grande vedette de la lutte de la WWE qui a porté un paquet de noms. Les amoureux du bizarroïde et de l'horreur auront aussi le plaisir de rencontrer Lloyd Kaufman, le président de Trauma Entertainment, qui a créé des classiques du cinéma tels Toxic, le Ravageur en 1984, Class of Nukem High en 86, Mother's Day en 80 et True Romeo and Juliet en 1996. Elle a des visages caractéristiques de Star Wars en Jeremy Bullock, qui a joué Boba Fett. Il a déjà confirmé sa présence. Se joint dorénavant le gentil géant de 2m22, l'acteur britannique Peter Mayhew, qui a donné vie à Chewbacca. Les amateurs de Star Trek désireux d'en savoir plus sur ce qui se passe sur le plateau de tournage voudront certainement écouter ce que l'actrice et chanteuse Noelle Hannibal, qui figure au générique du film Star Trek Premier Contact de 96 en tant que première femme Vulcain sur Terre, a à leur raconter. Donc c'est un article de TVQC.com. Et pour terminer, les codes d'écoute, bien sûr, dans Television Television, c'est avec ça qu'on continue et qu'on termine d'habitude. Commençons par le Québec. Position 15 à 6 en accéléré, juste pour rire, du tout à l'heure revendre, ciné-comédie, LOL, l'épicerie, dimanche à Hollywood, Chicago Fire, sucré salé, vlog et défilé des jumeaux 2014 de juste pour rire. En cinquième, c'est Viens-tu faire un tour à Radio-Canada. En quatrième, Route Fortune chez vous à TVA. En troisième, Cinémax à TVA. Deuxième, TVA Nouvelle 18h à TVA. Et en première, c'est les chefs à Radio-Canada. Côté Canada, 15 à 6 en rafale, The Listener, Unforgettable, America's Got Talent, The Big Bang Theory, Hell's Kitchen, America's Got Talent, Big Brother, Big Brother, Big Brother, et CTV Evening News. En cinquième, c'est Extant, la nouvelle série sur Global. En quatrième, c'est Rookie Blue sur Global. En troisième, Under the Dome sur Global. En deuxième, MasterChef sur CTV. Et en première, c'est The Amazing Race Canada sur CTV. Voilà pour les codes d'écoute de la semaine du 21 au 27 juillet. Toujours un petit délai dans les codes d'écoute, bien sûr. Et voilà aussi pour Television Television. On revient tantôt avec Merci Science. Mais avant ça, une deuxième chanson chiptune pour la journée, pour cette édition du Mathieu Plante Show. La deuxième est par Pixel Panic. On s'en va entendre White Water. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show. C'est fou. Au retour, merci Science et plus de musique par Pixel Panic au Mathieu Plante Show. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour, vous êtes toujours au Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera la chronique science, médecine et autres trucs comme ça. Merci science. Mais avant ça, une autre chanson de Pixel Panic, si vous l'avez aimé avant la pause avec Whitewater, vous allez l'adorer avec Neon Cityscape. Tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est Fou, 89.1 FM. Panic et White Water. Non, Neon Cityscape, c'est ça, la deuxième pièce. Deux pièces qu'on a entendues de suite de Pixel Panic. Au Mathieu Plante Show, je vous ai dit tantôt que j'adorais celle-là. Ben, quand même. C'est vrai que c'est ma préférée des deux. Donc, nous voici en train de parler de science, de technologie, de médecine. Voici Merci Science. C'est Merci Science. On le sait toujours avec le temps. Vous savez, plus le temps file, plus j'essaie de trouver une différence entre Merci Science et CNX. Je me suis dit, tout ce qui est médecine, parce que des fois, les robots, je me mets ça dans CNX. Là, c'est un robot. Mais en même temps, plus pour le bien-être des gens. Donc, allons-y avec Kyogo, qui est une orthèse robotisée pour mieux marcher. C'est pas un article super détaillé par le soleil, malheureusement. C'est une brève. Mais l'homme d'affaires, Jean Cameron de Sherbrooke, qui est le premier client à essayer au quotidien le Kyogo, une orthèse robotisée unique au monde, développée à Québec. Atteint de la maladie dégénérative de Lou Gehrig qui lui donne de la difficulté à marcher, M. Cameron travaille toujours 70 heures par semaine et fait de la moto. Avec le Kyogo, il monte les escaliers plus facilement et a beaucoup moins de douleurs au dos et aux jambes. Développé par Bitemia, une entreprise du Parc technologique de Québec, le Kyogo sera disponible pour la location ou l'achat au coût de 19 900 $. Dans les principales succursales de Medicus, dont le groupe Savard Orthoconfort, au cours des prochaines semaines. J'ai regardé la petite vidéo qui va avec, je vous la suggère sur assemblagerequis.com. Le gars d'habitude de boiter avait de la difficulté à se promener, à marcher. À la place ici, il y a comme des... si on veut, ça ressemble un peu à... Comment est-ce que je pourrais m'expliquer? C'est comme un genre de plâtre de plastique, si on veut. Et il y a des articulations après ça et c'est comme robotisé. Donc vraiment, ses jambes sont entraînées par la puissance des orthèses robotisées pour pouvoir mieux marcher. On voit qu'il boite quand même. Certains diraient qu'il a l'air de Robocop avec son équipement, en effet. Mais si ça l'aide à marcher, tant mieux. L'observation de rats exposés au bisphénol A, le BPA in utero, a mis en évidence un risque de réaction alimentaire chez le fœtus et le nourrisson. Pionnière en la matière, cette étude a été menée par des chercheurs de l'INRA Toulouse-Midi-Pyrénées, lesquels rappellent l'importance d'interdire le BPA dans les plastiques de nouvelle génération. Allergies alimentaires, donc en partie déclenchées sous l'influence de l'environnement, elles sont aussi favorisées par l'exposition quotidienne aux perturbateurs endocriniens. Une équipe de chercheurs de l'INRA Toulouse-Midi-Pyrénées, unité toxicologique alimentaire Toxalim, vient de prouver qu'une exposition périnatale au bisphénol A augmente le risque de tolérance alimentaire à l'âge adulte. Je cite, « Même à de très faibles doses, ce perturbateur endocrinien contenu dans le plastique s'avère toxique, en particulier chez les organismes vulnérables des fœtus et des nourrissons », expliquent les auteurs. Pour le démontrer, les chercheurs ont comparé l'immunité et la tolérance alimentaire de deux cohortes de rats en gestation. Le premier groupe a reçu par voie orale une dose quotidienne de BPA à 5 microgrammes par kilogramme de poids corporel. Depuis la gestation jusqu'au sevrage des nouveaux-nés à 21 jours, les rats du second groupe n'ont pas été exposés au bisphénol A. Ça, c'était une autre phrase. Je sais que ça avait l'air d'aller avec la phrase d'avant, mais c'est pas le cas. Les deux groupes ont ensuite été nourris à l'ovalbumine. Résultat, à l'âge adulte, soit 45 jours après la gestation, cette protéine contenue dans le blanc d'œuf a déclenché une inflammation du côlon. Il y avait un accent circonflexe dessus, fait que j'ai dit colon. Uniquement chez les animaux exposés. Tu vois comment tu sais quand tu lis comme trop vite. Chez les animaux exposés, donc attends, je vais recommencer ça. Donc, cette protéine contenue dans le blanc d'œuf a déclenché une inflammation du côlon. Uniquement chez les animaux exposés, attestant d'une intolérance alimentaire. Ces résultats appuient les décisions récemment prises par les autorités françaises, lesquelles ont divisé par 10 la valeur du seuil toxicologique comparé à celle en vigueur avant 2013. L'utilisation de BPA dans les contenants alimentaires destinés aux nourrissons a été interdite l'année dernière et ces perturbateurs endocriniens devraient par ailleurs disparaître de la composition de tous les emballages alimentaires à compter de 2015. À l'heure actuelle, la production de l'énergie solaire nécessite souvent des installations coûteuses et peu pratiques. Et si une peinture pouvait changer la donne? Dernière avancée dans le domaine de l'énergie verte, une nouvelle technique permettant d'appliquer des cellules photovoltaïques à pratiquement tout type de surface. Des chercheurs de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni ont développé des cellules photovoltaïques en pyrovskite qui pourraient s'appliquer à la manière d'une peinture en aérosol. Il deviendrait en théorie possible, de transformer toute une gamme de produits et de surfaces en générateurs d'énergie. Cette nouvelle piste apporte un autre avantage, le coût de fabrication plus faible. Les cellules s'appliqueraient par une méthode qui s'apparente à la peinture d'une voiture ou à l'imprimerie graphique. Des pulvérisateurs les répartissent en plusieurs couches. Le gaspillage serait ainsi minimisé. Le concept pourrait s'adapter facilement à une production en série et devenir plus accessible. En remplaçant la couche d'absorption de lumière essentielle à toute cellule photovoltaïque par une pyrovskite, sous forme de peinture pulvérisée, les chercheurs ont également amélioré le rendement génétique. Je cite, les meilleurs rendements des cellules organiques sont autour de 10%. Les cellules pyrovskite ont désormais un rendement qui peut atteindre 19%. Et c'est pas loin derrière le silicium qui est à 25%, le matériel qui domine déjà le marché mondial du solaire. C'est ce que dit le professeur David Liddy, chercheur principal sur ce projet. Voilà pour Merci Science, pas trop compliqué, pas trop à se faire aller le cerveau, là. On comprend majoritairement ce qui se passe là-dedans. Tout à l'heure, le bloc Célix, le segment geek, bien sûr. On va parler entre autres, encore une fois, de robots, mais cette fois-ci, des robots origami qui voient le jour. C'est tout à l'heure dans Célix, mais avant ça, une autre chanson chiptune. On change d'artiste pour aller entendre Motion Ride. Voici Whatever You Wish tout de suite au 80 FM. C'est fou. Le chiptune rock de Motion Ride, la pièce s'appelle Whatever You Wish, et j'aime donc ça. Parlons de choses geek maintenant. Tiens, c'est aussi geek que le chiptune, voici CNX. C'est le segment Geek CNX, on fait un petit survol de ce qui se passe dans le domaine technologique. Pas trop de science, hein? C'est ça la limite entre Merci Science et CNX. Donc le premier robot origami voit le jour. Selon un article de l'agence France Presse. S'inspirant de l'origami, oui, des chercheurs américains ont créé le premier robot autodépliant qui pourrait révolutionner la robotique avec de nombreuses applications sur Terre comme dans l'espace. Ces ingénieurs ont seulement utilisé des feuilles de papier et de polystyrène qui changent de forme avec la chaleur, ainsi que des micro-circuits électroniques et des batteries. Ils ont programmé en trois dimensions un petit robot qui de lui-même a pris des formes complexes en 4 minutes et commencé à avancer à la vitesse de 5,4 cm par seconde, le tout sans aucune intervention humaine. La disposition des charnières dans le polystyrène ainsi que l'ordre du pliage est effectué grâce à des circuits chauffants commandés par un logiciel. Cette avancée révélée dans la revue américaine Science qu'il est possible de fabriquer rapidement, de façon automatique et à bas coût des machines intelligentes capables d'interagir avec leur environnement. Les scientifiques se sont inspirés de processus d'auto-assemblage observés dans la nature, comme par exemple la manière dont des acides aminés forment des protéines complexes dotées de fonctions sophistiquées. Cette nouvelle approche permettrait de produire rapidement des robots complexes de différentes tailles qui seraient très solides. La technique d'autopliage des feuilles évite d'utiliser les vis et boulons nécessaires dans la fabrication des robots actuels ou d'autres équipements électromécaniques complexes. Elle permet aussi d'intégrer des composants électroniques, des capteurs et des actionneurs, des dispositifs agissant sur la machine. La fabrication conventionnelle de robots nécessite des équipements chers et l'impression en 3D est trop lente pour une production à grande échelle, alors que la programmation de feuilles de matériaux composites peut être rapidement exécutée avec des outils bon marché, comme des découpeurs au laser et une imprimante. Cette approche est idéale pour produire de 100 à 1000 unités. Les matériaux pour faire ce robot ont coûté 100$, dont 20$ pour la structure et 80$ pour les piles et le moteur électrique. Ces robots ont de nombreuses applications potentielles, comme ils se présentent initialement sous forme d'éléments plats, comme des meubles IKEA. Ils peuvent, par exemple, être déployés dans des opérations de recherche ou de secours dans des espaces confinés tels que des immeubles effondrés, où ils peuvent se déplier automatiquement dans des endroits autrement inaccessibles. Ces robots pourraient aussi être lancés dans leur forme plate, en grand nombre dans l'espace et à moindre coût, car ils sont plus légers. Une fois en orbite, ils pourraient se déplier seul pour effectuer différentes missions scientifiques ou autres, font valoir, oui, ces chercheurs. Tu vois, ça aurait pu être dans Merci Science. Des robots voient à travers les murs en se servant du Wi-Fi maintenant. Des robots créés par une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara peuvent voir, oui, à travers les murs et détectent les objets qui se retrouvent derrière en utilisant seulement un signal Wi-Fi. Cette technologie ouvre la voie à de nombreuses applications allant de missions de sauvetage à la surveillance des bâtiments en passant par la détection et l'archéologie. Imaginez donc des véhicules robotisés arrivant devant d'épais murs en béton. Ils n'ont aucune connaissance de ce qui se trouve derrière, mais ils sont pourtant capables de voir à travers et de détecter le moindre objet qu'ils masquent. Cette technologie dénommée X-ray Vision for Robots with Only Wi-Fi, quel nom descriptif! Vision à rayon X pour les robots avec seulement du Wi-Fi, a été mise au point et brevetée par une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara. Elle permet, malgré une cloison, d'identifier les objets, leur position, leur géométrie et également de déterminer s'il s'agit d'un être humain, d'un objet en métal ou en bois. En soi, la technique n'est pas nouvelle. Une méthode d'imagerie par radio avait déjà été montrée en 2009. Des robots équipés de cette technologie pourraient notamment parcourir les décombres après des accidents ou des catastrophes naturelles pour rechercher des survivants. Les robots travaillent en tandem en utilisant un algorithme de cartographie et localisation simultanée, ce qu'on appelle le Simultaneous Localization and Mapping, ou le SLAM, qui travaille à la volée. Alternativement, un engin situé d'un autre côté de la structure émet un signal Wi-Fi, tandis que l'autre, sur le côté opposé, capte ce signal. Les ondes radio passent à travers la zone inconnue. Les objets qui s'y trouvent atténuent le signal de façon différente selon leur position et leur composition. C'est en mesurant ces variations à l'aide d'un modèle de propagation des ondes que le système parvient à cartographier une structure et son contenu en déterminant où se trouvent les objets solides et les espaces vides. Pour améliorer la résolution de l'image, l'équipe de l'UC Santa Barbara a équipé ses robots d'antennes multidirectionnelles. D'antennes directionnelles. Le système ne se limite pas aux robots. On nous dit que cette technologie peut être intégrée à n'importe quel appareil Wi-Fi. Elle pourrait être utilisée avec un réseau Wi-Fi fixe et alors servir à surveiller un bâtiment ou une pièce pour détecter les intrusions et ou évaluer le nombre d'occupants, par exemple pour ajuster la température. Les chercheurs citent encore d'autres utilisations possibles pour la recherche archéologique ou pour détecter et répertorier des objets sans toucher à une structure. Les travaux de développement se poursuivent afin de concevoir d'autres applications et de perfectionner la technologie, et notamment question d'utiliser, d'associer le système à un guidage laser pour améliorer la précision spatiale et la résolution de la cartographie. Le vélo du futur. Oui, vainqueur du Bike Design Project, un concours visant à imaginer le vélo du futur. Celui-ci recèle nombre d'innovations qui pourraient devenir la norme à l'avenir. Baptisé Denny, D-E-N-N-Y, ce vélo est un concentré de technologies et d'options de nouveaux genres. Guidon amovible, panier de stockage flexible, assistante électronique au pédalage, vitesse automatique, batterie rechargeable amovible, frein lumineux, clignotant sur le guidon ou encore phare, à déclenchement automatique selon la luminosité. Avec plus de 135 000 votes en sa faveur, ce modèle conçu par les designers de Seattle sera bientôt produit aux États-Unis. Vous pouvez aller voir la petite vidéo, il y a aussi un article sur assemblagerequipe.com qui vous montre vraiment les détails. Il y a même un rack en arrière de ton siège pour mettre, mettons, 4 cafés, tu sais, avec un rack en carton, là, recouvert d'une toile pour que ça tienne bien. C'est super cool. IBM a créé une puce informatique qui imite le cerveau. Selon Radio-Canada.ca, IBM vient de dévoiler une nouvelle puce informatique qui imite le fonctionnement du cerveau et qui pourrait... Ça ne limite pas du tout, déjà c'est limité de même. Et qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles applications technologiques. La puce qui a la taille d'un gros timbre, bel exemple, contient 1 million d'unités de calcul, donc des computational units que le fabricant assimile à des neurones. Chacun de ces neurones est connecté à 256 autres, permettant à la puce de traiter de grandes quantités d'informations en temps réel. J'espère que vous aimez mes enfargements de bouche aujourd'hui. À terme, de telles puces pourraient être intégrées à un thermomètre afin de détecter des substances chimiques et poser un diagnostic ou encore à un robot qui deviendrait apte à repérer des gens ayant besoin de secours après une catastrophe de grande ampleur. L'annonce survient un mois après qu'IBM eut annoncé un investissement de 3 milliards de dollars américains sur 5 ans en recherche et développement. Il y a bien juste Radio-Canada qui dit le mot « eux » est annoncé. Dans le but de donner une nouvelle impulsion à son département de matériel informatique. De telles puces sont cependant loin d'être une commercialisation pour l'instant puisqu'elles ne peuvent pas être programmées comme les ordinateurs traditionnels qui fonctionnent selon une logique mathématique grâce à un langage binaire. Malgré ce développement, la technologie reste encore loin du cerveau humain qui comprend 100 milliards de neurones et dont chaque neurone est connecté à 10 000 autres. Un écran transparent positionné au niveau du pare-brise de votre voiture. On a souvent parlé de heads-up displays au Mathieu Plante Show. Ça, c'est quand on remplace ou quand on met par-dessus la fenêtre un affichage qui vous fait vivre la route comme si vous étiez dans un jeu de course, t'sais, avec votre vitesse, des lignes rouges et bleues qui apparaissent pour savoir où aller. Bon, maintenant, c'est Navdi. Un nouveau gadget qui risque d'être rapidement banni par le code de la sécurité routière, nous dit branchezvous.com. Donc, le Navi HUD, pour Heads Up Display, est un périphérique qui se positionne au-dessus du tableau de bord d'une voiture. Il est doté d'un processeur Beaker roulant sous Android 4.4, d'un écran transparent de 5,1 pouces, d'un mini-projecteur et de connexion Bluetooth et Wi-Fi afin de communiquer avec votre téléphone. Il n'est pas question pour l'instant de reproduire l'affichage de votre téléphone intelligent sur l'appareil. Non. Le Navi propose une série d'applications compatibles avec celles fournies sous Android et iOS. Pour l'instant, l'appareil est conçu pour recevoir et faire des appels téléphoniques, communiquer par le biais de texto, message texte. Je préfère message texte. SMS au pire. Consulter votre agenda et vos contacts, écouter la musique, puis naviguer par GPS, bien sûr. Il est également question d'une intégration des services Facebook, Twitter, Spotify et Pandora. L'appareil se contrôle par le biais de commandes vocales et gestuelles qui rappellent certainement Kinect sur Xbox. Aussi, l'image est projetée sur l'écran transparent de sorte qu'elle est visible seulement lorsque votre regard est fixé au loin. Donc, votre attention va toujours être sur la route. Aussitôt que vous regardez Navdi, ça arrête de fonctionner. Il faut que tu regardes la route et tu vois Navdi par la bande. Très, très excellente idée. Évidemment, malgré toutes les bonnes intentions de ces concepteurs, il y a fort à parier que le dispositif sera éventuellement piraté pour afficher à peu près n'importe quoi. Hein? C'est toujours le cas. L'appareil est alimenté en électricité par le port OBD2, qui est le port qui permet à un mécanicien de brancher son appareil de diagnostic. Donc, ça prend pas la prise allume-cigarette. Donc, vous allez pouvoir continuer de recharger vos appareils électroniques. Le lancement de Navdi HUD est prévu pour le début de 2015. Son prix de détail est à 500 US, mais une promotion actuellement en vigueur, pour ceux qui s'intéressent là, vous permet de précommander l'appareil pour 300 américains. Samsung travaille sur un téléphone à écran inusité. Le fabricant sud-coréen envisage la production de téléphones dont l'écran couvrirait plus que la surface. Un informateur travaillant chez un fournisseur de Samsung a confié à ZDNet Korea que l'entreprise est actuellement en train de tester un nouveau prototype de smartphone doté d'un écran enveloppant l'appareil. L'écran se prolonge donc sur les côtés du téléphone, remplaçant les boutons latéraux qu'on retrouve normalement sur ce type d'appareil. Difficile de savoir si Samsung va produire le téléphone d'une façon massive. Là, ça pourrait être une rumeur, mais en fait, c'est une rumeur. On ne compte plus les brevets au concept plutôt inusité déposé par Samsung depuis les derniers mois. Sans parler de son concours, Samsung a un concours qui a été lancé l'an dernier, où on a invité les internautes à fournir des idées pour exploiter le concept d'un écran flexible. Soyons kinky pour le prochain, un podomètre pour votre engin masculin. L'informatique aujourd'hui omniprésente dans nos téléphones, certaines montres et quelques lunettes peut désormais apporter des bénéfices à un endroit bien spécifique de l'entre-gen. Le sex-fit. Il aurait pu juste, la Fitbit, là. Mais tu l'appelles Fitbit, mais TTE, genre. Donc, le sex-fit est un nouvel accessoire intelligent qui s'installe à la base de l'engin masculin d'une personne masculine qui s'apprête à faire la chose, gracieuseté du fabricant de jouets érotiques Bandara. Comme son nom l'indique, cet anneau qui contribue donc à une meilleure érection et est doté des mêmes capteurs et composantes que l'on retrouve généralement dans les accessoires connectés liés à l'activité physique, comme j'ai dit tantôt, la Fitbit. L'accessoire se connecte à l'application installée dans votre téléphone par le biais d'une connexion Bluetooth afin d'y compiler les statistiques de votre rapport de vos rapports sexuels. C'est pas juste ça. L'application est aussi en mesure de déterminer combien de calories ont été brûlées pour chaque séance et la moyenne de vos poussées par minute. Vous pouvez même partager les statistiques de vos séances les plus impressionnantes sur Facebook et Twitter. Le sex-fit est également doté d'un vibrateur intégré, qui non seulement peut stimuler les deux partenaires lors de l'activité sexuelle, mais également s'activer selon un rythme préétabli afin de guider les utilisateurs qui sont moins doués pour maintenir une bonne cadence. C'est comme un métronome. Mais un métro, apostrophe, homme. L'accessoire est équipé de 5 diodes électroluminescentes qui s'activent afin de signaler le mode choisi. Ça pourrait être un petit peu gossant dans le noir, tout ça. Donc, Bandara espère commencer la production du sex-fit pour la fin de 2014. Insolite maintenant, un homme qui se tue accidentellement en tentant de prendre un selfie avec une arme à feu. Oui. Oscar Otera Aguilar a été retrouvé mort en fin de semaine dernière après qu'il ait tenté de prendre un selfie avec une arme à la main. La tragédie est survenue dans une maison du quartier Gustavo Amadero au nord du Mexique, nord de Mexico, pardon. L'homme de 21 ans était si ivre qu'il ne se souvenait pas d'avoir chargé l'arme quelques minutes avant l'incident, ni d'avoir enlevé le cran de sûreté de l'arme en question. Ce sont des voisins qui ont alerté la police après avoir entendu des coups de feu, en fait un coup de feu. Une fois dépêchés sur les lieux, les policiers ont trouvé le jeune homme gravement blessé à la tête. Les ambulanciers ont par la suite constaté son décès sur place. Il semble qu'en tentant de prendre la pause afin de réaliser le selfie parfait, Aguilar ait déclenché par inadvertance l'arme à feu pointée vers sa tête. L'homme vivait avec deux colocataires, possiblement témoins de la tragédie. L'un d'entre eux s'est aussitôt enfui après l'incident, tandis que l'autre est détenu par la police et l'origine de l'arme demeure inconnue pour l'instant. C'est de l'insolite, c'est de l'inutile, mais comment? Comment? Parlant de comment choisir le nom de son bébé selon la disponibilité du nom de domaine. Un nouveau service a vu le jour cette semaine, donc sa fonction est de proposer le nom de votre futur enfant selon la disponibilité du nom de domaine, nous dit Branchez-vous. L'Internet joue un rôle si crucial dans nos vies que certains futurs parents veulent réserver le nom de domaine correspondant au prénom et au nom de famille de leur enfant, parfois avant même que celui-ci ne vienne au monde. Pour ce faire, ils peuvent désormais compter sur le site Awesome Baby Name. Inscrivez le nom de famille du poupon, s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, si vous le souhaitez, pour obliger, et cliquez pour voir les propositions. Évidemment, le site étant anglophone, ça fonctionne pas toujours. C'est des cadences, c'est bien beau, là. Mais... le service Awesome Baby Name est uniquement orienté vers les noms de domaine utilisant le .com, donc certaines combinaisons qui seraient disponibles ailleurs seront pas proposées. On dit dans l'article que peut-être que les .com seront peu à la mode dans 10-20 ans, on sait pas encore. Si l'une des propositions de Awesome Baby Name vous convient, un lien vous redirige vers le service Name Cheap afin de conclure la transaction. Il ne sera donc pas étonnant qu'on partage des profits entre les deux sites. Est-ce que je vais avec Awesome Baby Name, Your Baby's Last Name, Plante. On va dire garçon, mettons. Prénom, attention, ça va donner plein de noms super awesome. Aiden, Plante, bien sûr, bien sûr. Mark, Plante. Eric. Kellen. Odin, what? Nicolas, Théodore, Landon, Jared, Jace. Il y en a des possibilités. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Vous pouvez avoir 100 autres noms, pour votre garçon avec le nom de famille Plante en payant 3$. C'est une offre spéciale parce que d'habitude, c'est 9$. T'sais? Juste pour avoir plus de résultats. C'est n'importe quoi. Des chercheurs allemands viennent de démontrer que tous les périphériques USB souffrent d'une énorme vulnérabilité, impossible à corriger à ce jour. Non sécurisé, le firmware du contrôleur peut en effet être reprogrammé pour une tâche malveillante. L'universalité des collecteurs USB pourrait être son principal talon d'Achille. C'est en tout cas ce que révèle une expérience menée par deux chercheurs du Security Research Lab de Berlin, en Allemagne. Un laboratoire spécialisé dans la sécurité informatique. Après des mois de recherche, une énorme vulnérabilité qui touche l'ensemble des périphériques et des prises USB fut exploitée. Cette brèche repose sur le micro-logiciel, le firmware de la puce du contrôleur. Celui-ci permet d'assurer la connexion entre l'hôte et le périphérique et les chercheurs ont malheureusement constaté qu'il ne dispose d'aucune protection et peut être reprogrammé à volonté. Le fruit malicieux de leur investigation a reçu le nom évocateur de « bad USB ». Une fois réécrit, le contrôleur peut être transformé en banale clé USB, en un véritable arsenal nuisible. Une simple clé de stockage, par exemple, peut ainsi être considérée comme un clavier par l'ordinateur, hôte, et assurer une connexion à un réseau de cybercriminels. Ces derniers pourraient alors saisir à distance des commandes pour aller encore plus loin dans leurs actions malveillantes. Dans le même esprit, un périphérique reprogrammé rester branché à un ordinateur éteint pourrait tout à fait contaminer ce dernier aussitôt sa mise sous tension. De l'ordinateur, aussitôt qu'on le rallumerait, ça ferait entrer les mauvaises choses avant même le démarrage de Windows ou macOS. Dans cette situation, il n'y aurait donc aucune parade, même la réinitialisation de l'ordinateur ne changerait pas la donne. Cette énorme vulnérabilité provient en réalité des standards USB qui ont été attribués par l'USB Implementers Forum. Donc, elle date des débuts de la technologie. Et pour assurer son universalité, oui, l'organisme avait fait totalement impasse sur la sécurité. Donc, chaque firmware USB d'un périphérique recevait un code de classification qui permettait d'indiquer sa fonction, que ce soit une souris, un clavier, une clé USB, disque dur, smartphone, et un contrôleur hôte comme un ordinateur, smartphone, tablette. Toutefois, rien n'empêche d'inscrire des informations qui ne correspondent pas à sa vraie fonction et c'est ce que les chercheurs sont parvenus à réaliser. Le principal souci de cette vulnérabilité est qu'elle ne peut pas être détectée par les anti-malware, anti-espiogiciels et autres, donc ça va passer totalement inaperçu. En réalité, aucun système de protection ne permettrait de l'éviter ni même de s'en débarrasser. Pour le moment, seules trois solutions hypothétiques pourraient atténuer sa portée. Premièrement, ne brancher que des périphériques dont l'utilisateur est absolument certain de sa fiabilité. Évidemment, on ne peut pas en être sûr parce qu'il n'y a pas encore de logiciel. Deuxièmement, ajouter une signature numérique au firmware, mais ça prendrait une décennie avant d'être répandu à l'ensemble des accessoires du marché. Et enfin, l'autre solution serait de réserver chaque prise USB à seulement une classe. Donc, les claviers iraient dans la prise clavier, les souris dans la prise souris. Une méthode qui viendrait évidemment complètement enlever le côté universel de l'USB. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec ça. Ça pourrait être exploité. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Ça reste dans l'impasse. Ça ne semble pas encore avoir été exploité pour nuire. Tant mieux. Des jeux pour combattre la dépression des sujets âgés. On parle de jeux vidéo un petit peu plus casual sur Internet, des genres de Bejeweled. La stimulation intellectuelle à l'aide de jeux sur ordinateur pourrait, chez certaines personnes âgées souffrant de dépression sévère, la stimulation intellectuelle donc fait aussi bien et peut-être même mieux que les médicaments, suggère une étude publiée dans la revue Nature Communications. Dépression, donc, qui affecte un grand nombre de personnes âgées. Et si la psychothérapie et les médicaments antidépresseurs classiques sont efficaces pour certains d'entre eux, pour beaucoup, ces traitements n'ont guère d'effet sur la maladie. Ces spécialistes américains et chinois ont donc créé des programmes d'entraînement cognitif informatisés et les ont testés sur 11 individus âgés de 60 à 89 ans, résistants au traitement afin d'améliorer leur capacité d'apprentissage et de mémoire. Ils ont comparé leurs résultats à ceux obtenus dans une autre étude sur 33 adultes âgés traités avec l'antidépresseur de référence, l'escitalopram. J'ai déjà assez de la misère avec mes mots aujourd'hui, à la place de leur thérapie assistée par ordinateur. Les résultats suggèrent que ces exercices d'entraînement cérébral étaient tout aussi efficaces pour réduire les symptômes de la dépression que mais de façon plus rapide en 4 semaines au lieu de 12. 72% d'entre eux, donc des patients, avaient une rémission complète de la dépression. L'étude clinique complète avec un nombre plus important de patients serait nécessaire pour confirmer ces résultats, admettent les chercheurs, mais ils espèrent que leur étude encouragera davantage de recherches sur les thérapies alternatives pour la dépression avérée. Les programmes ont été élaborés pour tester une théorie selon laquelle le vieillissement du cerveau peut être combattu par une pratique intense de ce type de jeu permettant de regagner des fonctions d'apprentissage et de mémoire perdues et d'améliorer la prise de décision dans l'optique d'améliorer l'état du déprimé. Toujours dans le domaine des jeux vidéo, la modération a bien meilleur goût. Je crois que c'est évident pour tout le monde, mais les jeunes qui jouent à des jeux vidéo moins d'une heure par jour sont plus équilibrés que les autres, que ceux qui jouent pas du tout. Tandis que les adolescents qui jouent à des jeux vidéo plus matures sont ensuite plus susceptibles d'adopter des comportements à risque. C'est ce que démontrent deux nouvelles études. La première a été réalisée par des chercheurs de l'Université britannique Oxford et est publiée dans les pages du journal médical Pediatrics, où mettre les accents dans ce mot-là, Pediatrics. Elle conclut que les jeunes qui jouent moins d'une heure par jour sont les plus susceptibles d'être bien socialisés et de se déclarer heureux de leur vie. Ces jeunes semblaient aussi moins à même de connaître des problèmes dans leurs relations interpersonnelles ou de souffrir d'hyperactivité. En revanche, les jeunes qui consacrent plus de la moitié de leur temps libre aux jeux vidéo chaque jour semblent moins bien équilibrés que les autres, possiblement parce que ça les empêche de pratiquer d'autres activités plus enrichissantes ou parce que ça les expose à du contenu inapproprié destiné aux adultes. Les chercheurs préviennent toutefois que l'impact positif ou négatif des jeux vidéo est très petit comparativement à des facteurs comme l'environnement familial, les relations nouées à l'école et le confort matériel dont profitent les enfants. La seconde étude réalisée par des chercheurs de l'Université Dartmouth au New Hampshire prévient que les adolescents qui jouent à des jeux conçus pour les adultes sont ensuite plus à risque d'adopter de multiples comportements déviants comme la consommation d'alcool, le tabagisme, l'absentéisme et les relations sexuelles à risque. Ces jeux, et surtout ceux mettant en vedette des personnages antisociaux, semblent modifier la perception des adolescents qu'ont les adolescents d'eux-mêmes, ce qui influence leur comportement dans la réalité. Les chercheurs se sont notamment intéressés aux jeunes qui jouent à des jeux vidéo comme Spider-Man, Manhunt et Grand Theft Auto. Ils ont déterminé que ces jeux sont associés avec des changements de personnalité, des attitudes et des valeurs des joueurs, plus particulièrement en les rendant plus rebelles et en augmentant leur goût du risque. L'effet était le plus prononcé chez les joueurs les plus assidus et chez les amateurs de jeux aux personnages antisociaux. Cette deuxième étude est publié dans le journal Journal of Personality and Social Psychology. Il y a un robot finalement qui joue à Pokémon sur Twitch. Si ça vous intéresse d'aller voir ça, si vous avez aimé dans le temps, il y a quelques mois, on avait parlé de Twitch Plays Pokémon, vous serez assurément hypnotisé par Fish Plays Pokémon. Donc Grayson Hopper est un joueur un peu lent qui a quelques soucis pour coordonner ses mouvements parce que c'est un poisson, un combattant. Qu'on appelle, et sa manette est son aquarium. Grayson ne sait pas qu'il est en train d'être observé par des milliers d'internautes sur Twitch.tv, un site de streaming de jeux vidéo. Donc, en février dernier, la plateforme de streaming de jeux vidéo accueillait l'initiative Twitch Plays Pokémon. Des milliers de joueurs se sont mis à jouer ensemble de façon participative au tout premier Pokémon sorti sur Game Boy en 99. Depuis, l'expérience continue actuellement avec Pokémon Stadium 2 et a entraîné de multiples déclinaisons, mais jusque-là, personne n'avait encore eu l'idée de faire jouer un poisson. Il a fallu 160 heures de jeu à Grayson pour obtenir son premier Pokémon, qui est un Salamèche, fièrement nommé AAAA. BBK. Donc, il a battu son premier adversaire et il est sorti péniblement d'une maison. Voilà. Fish Plays Pokémon est une expérience qui oscille entre l'hypnose et l'ennui total, nous dit Quick.com, mais qui attire petit à petit les curieux. Et malgré la lenteur de la partie, il arrive parfois qu'un rebondissement surprenne ou inquiète la communauté. Ainsi, il arrive que le poisson se mette à flotter à la surface de l'eau, questionnant les internautes sur son état de santé. Évidemment, c'est juste parce qu'il faisait une petite sieste. Voilà pour les nouvelles du bloc CNX. Allons-y avec le top des jeux les plus loués en club vidéo. Position 10 à 6 en rafale. Watch Dogs sur PS3, Skate 3 sur PS3, Call of Duty Ghost sur PS3, Skate 3 sur Xbox 360 et Call of Duty Ghost sur Xbox 360. En cinquième, c'est Call of Duty Black Ops 2 sur Xbox 360. Quatrième, Minecraft Xbox 360 Edition sur 360. En troisième, Minecraft PS3 Edition sur PS3. En deuxième, Mario Kart 8 sur la Wii U. Et finalement, en première place, c'est The Last of Us Remastered Edition, juste remastered sur PS4. Je rajoute des éditions partout. Maintenant, tiens, après avoir parlé autant de jeux vidéo et de plein de choses comme ça, continuons dans le même domaine avec ce qui se passe bientôt sur vos écrans. Ouais, je suis pas en train de mettre la bonne chanson, hein, c'est ça que vous voulez me dire. Hein. C'est en effet pas la bonne chanson. La bonne chanson, c'est laquelle? C'est celle-ci. Ah, voilà. Voici le nouveau jeu pour la semaine du 10 au 16 août 2014. Commençons par lundi, donc aujourd'hui, le 11 août, Hangeki sort aux États-Unis ou en Amérique du Nord sur le PC, un jeu avec des vaisseaux spatiaux. Mardi, toujours la grosse journée, 12 août aux États-Unis sur la PlayStation Vita, sort DGA 4, A Promise Revisited. C'est coté 7,5 selon GameSpot et selon les utilisateurs du site, c'est 8,7, donc encore un petit peu meilleur. Donc c'est la plus récente incarnation de la populaire série de stratégie jeu de rôle DSGA. D-I-S-G-A-E-A, j'ai jamais su comment le prononcer. Ohocom, une collaboration entre l'artiste Richard Hogg et Honey Slug, un studio de jeux basé à Londres, sort sur PS3, PS4 et PlayStation Vita. Akiba Strip Undead and Undressed sort sur Vita et PlayStation 3. C'est un jeu d'action RPG où le joueur va vivre plusieurs missions dans une recréation virtuelle de Akihabara, le populaire district Electric Town de Tokyo. Akihabara, voilà. Risen 3 Titan Lords sort sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. C'est le troisième jeu dans la série Risen. Donc Titan Lords qui met les joueurs dans un jeu de rôle, encore une fois, où chacune de ses décisions va changer le jeu. Surgeon Simulator Anniversary Edition sort sur PlayStation 4, c'est côté 8 selon GameSpot. World of Tanks Xbox 360 Edition Combat Ready Starter Pack sort sur Xbox 360, c'est côté 8 selon GameSpot. Hegemony Rome The Rise of Caesar sort sur PC, c'est côté 5 médiocre selon GameSpot, ce jeu de stratégie en temps réel. Phantom Breaker Battlegrounds sort sur la PlayStation Vita. C'est un jeu très, très, très asiatique, si je regarde la pochette. Jeudi, Sunshine sort sur la Wii U. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Ziggurat sort sur PC. Gaia Breaker sur la Wii U. Hidden Hunts Gothic Masquerade sur la 3DS. Et finalement, Morpho Police sort sur PC. C'est un jeu de transformation et de découverte inspiré par Machinarium et The Tiny Bang Story. Donc, ça amène le joueur dans un monde d'insectes fantastiques et lucides. C'est côté 6 selon GameSpot. Vendredi 15 août, Advanced Tactics Gold sort sur PC. Ça amène des changements qui ajoutent à Advanced Tactics World War 2. Voilà. Finalement, il nous en reste deux. Megacoin Squad sort sur PC et Amazing Princess Sarah, un jeu indie, sort aussi sur PC. Tout ça en Amérique du Nord. La liste complète sur assemblagerequis.com. Ça nous amène à terminer cette première heure du Mathieu Planchon. On va se retrouver tantôt avec une deuxième heure qui va comprendre, entre autres, le célèbre segment site fait Tech Edition. On a aussi Célix Wawatweb au retour, ainsi que la nouvelle série sur Super Mario 64 Portrait of a Plumber. Je vous conseille de rester avec nous au Mathieu Planchon sur C'est Fou. Attends. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour, c'est la deuxième heure du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera C'est un fait Tech Edition. On va parler de plein de choses, dont ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Mais avant ça, un petit peu de musique chiptune. On va entendre Stinkbug. Voici Queen of the Sea. C'est une chanson style jeu de rôle. C'est très, très épique. Sur C'est fou. Hidden Odyssey par Stink Bug. Vous pouvez télécharger toutes les chansons entendues au Mathieu Plante Show sur assemblagerequis.com. Maintenant, c'est un fait, Take Addition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, Tech Edition, la connexeur de C'est un fait, bien sûr. On parle de technologie. Commençons avec ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Le 4 août, en fait, la semaine passée dans l'histoire. Cette semaine n'a pas encore eu lieu, on est lundi. Donc, 4 août dernier, en 1921, le premier facsimilé a été transmis par onde radio au-delà de l'océan Atlantique en utilisant le bélinographe inventé par Edward Bélin. Un message écrit par C.V. Van Anda, le managing editor du New York Times et adressé au matin de Paris, a été envoyé en 7 minutes. Donc, c'est le premier fax, facsimilé, c'est le nom. 6 août 1991, Tim Berners-Lee a posté un tout petit message sur son projet World Wide Web Project via alt.hypertext et a pointé ça à un simple furteur et à une page web qui décrivait le projet. Donc, le www, hein, le World Wide Web, est devenu un service publiquement disponible sur Internet. C'était en 1991. Et en 1997, au Macworld de Boston, Microsoft a annoncé qu'ils allaient investir 150 millions de dollars chez Apple et allaient continuer de fabriquer Microsoft Office pour le Mac pendant au moins 5 ans. Les deux compagnies ont aussi arrêté leur poursuite et d'ailleurs, Microsoft sort encore des produits Office sur le Mac. Le 7 août 1955, Tokyo Telecommunications Engineering a sorti la première radio transistor produite commercialement au Japon. C'était la TR-55 vendue sous le nouveau nom de la compagnie. Nouveau nom de Tokyo Telecommunications Engineering, c'était maintenant et dorénavant Sony. Ouais. Le 9 août en 1859, le brevet américain numéro 25076 a été donné à Nathan Ames de Saugus au Massachusetts pour le premier système d'escalier bougeant, mouvant. Donc, c'était l'escalator, l'escalier roulant, comme on appelle aujourd'hui. Donc, en 1859. Et finalement, le 10 août, en 2004, le iTunes Music Store dépasse la marque du million de chansons disponibles. Donc, le iTunes Music Store en 2004. Maintenant, côté fait de jeux vidéo, c'est ce qu'on fait dans C'est un fait Tech Edition pas mal tout le temps. Connaissez-vous le vrai nom de Yoshi? C'est sorti cette semaine, le personnage connu Yoshi dans Super Mario World, qui est apparu pour la première fois. On l'appelle simplement Yoshi depuis 20 ans environ. Mais il y a un vrai nom, beaucoup moins accrocheur. Son nom au complet est T. Yoshizor Munchakoopas. Hein? Yoshizor Munchakoopas. C'est un petit fait divers qui vient du guide des personnages Nintendo Character Guide, publié en 1993 par Blake Harris, l'auteur de Console Wars. J'annule cette phrase. Publié en 1993 par Nintendo et Blake Harris, l'auteur du récent livre Console Wars, poste des extraits sur son feed Twitter depuis quelques jours. Le guide donc donne une biographie pour M. Munchakoopas qui explique sa relation avec Mario. Yoshi, donc communément appelé Yoshi, mais de son vrai nom Yoshizor Munchakoopas, était tenu captif dans un œuf jusqu'à ce que Mario, au mot Nintendonus, soit arrivé et ait frappé son bloc pour le sauver. Certainement, le jeune dinosaure et le plombier sont devenus amis et ensemble, ils vont sauver les amis dinosaures de Yoshi de la méchanceté de Bowser. Donc, le nom scientifique de Mario, moi, honnêtement, ça fait très, très Roadrunner. Tu sais, Roadrunner, à chaque fois qu'on le voyait passer à l'écran, il y avait tout un nom différent, c'était une blague. T'sais. Moi, je pense que dans le livre de Nintendo, le Character Guide, au mot Nintendonus, là, c'est juste un gag. T'sais. Peut-être Yoshizor Munchakoopas, c'est une petite liberté artistique que s'est permis l'auteur de ce livre. Je pense pas que c'était supposé être ce qu'on appelle canonical, donc contenu dans la grande histoire véridique de Yoshi. D'après moi, c'est vraiment juste l'auteur qui s'est laissé aller un petit peu. Donc, évidemment, Polygon.com a téléphoné, courriellé et tout ça à Nintendo of America pour vérifier si M. Munchakoopas est vraiment l'identité réelle et qu'on peut se fier à ça. Mais d'après moi, ça va sortir dans les prochaines semaines que c'était seulement pour le livre. Mario and Sonic at the Olympic Winter Games. Hein? Dans la version internationale de la Wii, sur la Wii en fait de ce jeu-là, pour les Jeux olympiques de Vancouver en 2010, seulement Mario et Sonic sont vus en train de skier et faire du snowboard, de la planche à neige sur la couverture du jeu, alors que dans la version japonaise et coréenne du jeu, Amy, Knuckles, Luigi et Peach sont aussi vus en train de faire des sports. Donc je sais pas pourquoi aux États-Unis on a décidé que seulement Mario et Sonic étaient assez importants pour figurer sur la couverture. Dans le jeu Conker's Bad Fur Day, il y a un tableau qui s'appelle Pooh Cabin. En fait, il y a une bâtisse, un emplacement qui s'appelle Pooh Cabin. Il y a un morceau de chocolat caché derrière des barreaux. Et on ne peut pas les obtenir via les façons normales sans hacker le jeu. Donc, selon le réalisateur Chris Seaver, il a laissé le chocolat là parce qu'il savait que ça dérangerait les gens. Dans Grand Theft Auto 4 de Rockstar Games sur PC, PlayStation 3, Xbox 360, à l'origine, on était supposé pouvoir acheter de la crème glacée d'un vendeur dans la rue. Les fichiers sonores existent toujours dans les données du jeu, mais on ne peut pas acheter de crème glacée. Dans Star Fox sur la Super Nintendo, même si ce jeu-là a démarré une franchise, la franchise Star Fox, on ignore souvent ce jeu-là. On le considère non canonical, comme j'ai dit tantôt, donc ça ne fait pas partie de la grande histoire. C'est comme un à côté qui ne compte pas. Le récapitulatif présent dans Star Fox Assault, dans le manuel d'instruction, pardon, ignore le jeu d'origine et commence la série à Star Fox 64. Par contre, le site officiel japonais de Star Fox Adventures dit que les événements du jeu de Super Nintendo et de sur Nintendo 64 sont en fait deux côtés de la même pièce. Donc ça explique pourquoi c'est comme parallèle, si on veut. C'est comme deux réalités alternatives. Ça peut coexister dans la même timeline, mais pas vraiment. Voilà. Doom maintenant sur à peu près tout, PC, PlayStation, Saturn, Sega 32X et Super Nintendo. Même si il a toujours utilisé le nom Doom Guy ou encore juste The Marine, vu qu'il n'a jamais été nommé dans les jeux, le protagoniste a reçu un vrai nom dans la version romancée de la série. Il s'appelle Flynn Fly Taggart. Flynn Fly Taggart. T-A-G-G-A-R-T. Flynn Fly. J'aime ça. Super Monkey Ball 2 sur GameCube. Les chirurgiens de l'hôpital, Florida Hospital Celebration Health jouent à ce jeu-là pour s'entraîner, pour améliorer leur performance dans la chirurgie qu'on appelle laparoscopique. Donc, ils utilisent Super Monkey Ball 2. Pas le premier, le deuxième sur GameCube. Simcopter maintenant sur le PC. Simcopter qui était le premier jeu à mettre en vedette ce qu'on appelle le langage Simlish, qui a depuis été utilisé dans tous les jeux des Sims, ou presque. Dans plusieurs jeux, en tout cas. Je pense qu'il y a des consoles qui n'avaient pas la capacité de faire jouer des sons, mais bon. On associe ça vraiment aux Sims. C'est la façon de parler qu'ont les Sims dans les jeux. Maniac Mansion sur Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 64, NES et PC. Pendant qu'il travaillait sur Maniac Mansion, Ron Gilbert a inventé le terme « cutscene » qu'on utilise aujourd'hui. Il a utilisé ce terme-là pour décrire une scène qui coupait l'action du jeu. Donc, il y avait une commande dans Maniac Mansion, dans le code, qui s'appelait cutscene, C-U-T, trait d'union, S-C-E-N-E, qui sauvegardait automatiquement le jeu et le ramenait à son état de sauvegarde une fois que la scène était terminée. Donc, d'autres jeux avaient déjà des scènes qui jouaient entre les tableaux au début du jeu, à la fin du jeu, après une bataille avec un boss, mais Maniac Mansion était un des premiers jeux à incorporer une scène en plein milieu de l'action. Et c'est là qu'on a appelé ça une cutscene, parce que ça coupe la scène. Et non pas, on appelle souvent les scènes qui jouent au début et à la fin du jeu une cinématique. Voilà. C'est ce que je me rappelle. Star Tropics maintenant sur la NES. Étant donné que le mot yo-yo est sous copyright, sous marque de commerce au Canada, l'île Island Yo-Yo a été renommée Island Star sur la version console virtuelle de la Wii pour éviter l'infraction du copyright. Dans Mario Kart 7 sur la 3DS, dans la piste qui s'appelle Piranha Plant Pipe, oui, les nuages sont des buissons recolorés. Vous vous rappelez le fait qu'on a mentionné il y a des années de ça, je pense que tout le monde s'en est rendu compte depuis, mais que les buissons et les nuages dans le premier Mario Bros. Sur la NES étaient le même élément, juste recoloré. Ils ont fait un hommage à ça dans Mario Kart 7 en prenant vraiment le même morceau de design pour faire le nuage et les buissons. C'est un hommage, on a juste changé la palette. J'adore l'idée. Dans Sonic the Hedgehog 2, pendant le développement du jeu, deux versions bêta ont été montrées au public. La première a été diffusée dans un épisode de l'émission pour enfants Nick Arcade. L'autre a été montrée à un New York Toy Show, une foire de jouets, et a été même volée à cet événement-là. Le ROM, qui est le fichier du jeu, de la version Nick Arcade, et le prototype Simon Y, qui est le deuxième, qui a été nommé après la personne qui a découvert l'image ROM, donc l'image du jeu, sont disponibles en ligne en ce moment et ont plusieurs contenu inutilisé, dont ce qu'on appelle la Hidden Palace Zone, un tableau qui n'a jamais été vu. J'imagine qu'il y a des vidéos YouTube de ce Hidden Palace Zone, donc allez voir sur assemblagewiki.com pour copier-coller le nom. Dans Sonic the Hedgehog 3 maintenant, de la même façon que la sortie de Sonic the Hedgehog 2 est arrivée un mardi et qu'on l'a appelé Sonic Tuesday, c'est comme Tuesday mardi, mais aussi 2 comme Sonic Thursday. Donc la sortie du jeu aux États-Unis de Sonic the Hedgehog 3 était le 2 février. Et le 2 février, pour ceux qui suivent un petit peu, c'est la fête qu'on appelle le jour de la marmotte. Donc à la place d'appeler ça Groundhog Day, Groundhog voulant dire marmotte, on l'a appelé Hedgehog Day. Hein? Le jour du hérisson truc, l'animal, peu importe. C'est vraiment du génie du marketing. C'est fantastique. Et pour terminer, et celle-ci va avoir par le fait même un petit support auditif pour ceux que ça peut intéresser. Moi, ça m'intéresse plus ou moins. Vous allez voir pourquoi. On va entendre une chanson de Right Said Fred. Donc, en 1994, le groupe londonien Right Said Fred a été engagé par Sega of Europe pour faire une promotion pour le jeu vidéo Sonic the Hedgehog 3. Donc, Wonder Man a sorti... la chanson Wonder Man a été sortie comme single avec de l'instrumental changé et des paroles qui avaient rapport avec le jeu. Donc, on va regarder le vidéoclip à la radio. Je vous laisse sur assemblagehockey.com. On se quitte là-dessus pour quelques instants et on revient après pour Mathieu Planchet. On voit quelques images, là, vraiment, pendant le vidéoclip, on voit quelques images des centaines de secondes. Et pour ceux qui ne savent pas, Right Said Fred, ceux qui font I'm Too Sexy, là, chanson de mon... You'll get a slap. You take a nap in a spin attack. Take a nap in a spin attack. To be that good just ain't that easy. Wonderland. He is a Mr. Wonderland. Wonderland. He's a Mr. Wonderland. Wonderland. Wonderland. Wonderland. He is a Mr. Wonderland. Ce que j'aime, c'est qu'il l'appelle Monsieur Wonder Man, mais c'est pas un homme, c'est un animal. On voit quelques petites séquences où on voit, mettons, je sais pas si c'était Hydraulic Zone, des références aux zones dans Sonic the Hedgehog. Ils ont fait un effort et les paroles sont changées. Ils parlent d'une spin attack, trucs comme ça, c'est quand t'attaques en tournant sur toi-même. Ils ont fait l'effort de changer les paroles, le vidéoclip et tout et tout. And it's you scratch again and again. Ils ont changé les paroles parce que, dans le fond, c'est le vrai vidéoclip de la vraie chanson. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont rajouté ou changé les choses dedans. Mais on voit la fille à la fin qui fait un commentaire. Et ils ont fait un doublage par-dessus sa voix. Donc, on voit que ses lèvres ne sont pas les mêmes mots que ce qu'elle dit. C'est bien drôle. Donc, Right Said Fred et Wonder Man, au retour, What Web et la série sur Super Mario 64. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera le bloc WoW at Web. En fait, je dis quelques instants, les instants seront quelque peu longs parce qu'on est rendu à notre série spéciale Wii, Portrait of a Plumber. Donc, Super Mario 64, Portrait of a Plumber et la 48e compilation gratuite publiée par Overclocked Remix. Et on réarrange la musique du légendaire titre de lancement de la Nintendo 64, Super Mario 64. Portrait of a Plumber, donc, met en vedette 21 chansons arrangées par 16 artistes qui réimaginent les compositions originales de Koji Kondo dans une variété, une multitude de styles. On va entendre les pièces 4, 5 et 6 aujourd'hui. Les deux dernières seront basées sur la chanson thème et sur Little Avalanche, mais la première, elle, est basée sur Inside the Castle Walls. Voici Peach's House Party. MPS, le Mathieu Plante, c'est fou.

Pièces 4, 5 et 6 de la compilation Super Mario 64 Portrait of a Plumber. On a débuté avec Peach's House Party, basé sur Inside the Castle Walls. Ensuite, Somebody Set Up Us the Bob-Om, ça s'est tiré de la pièce Super Mario 64 Main Theme. Et finalement, on vient d'entendre Through the Flames, qui est basé sur Lethal Avalanche. Juste répéter, Somebody Set Up Us the Bob-Om. C'est un jeu de moi avec Somebody Set Up Us, tu sais, le truc là, qui est passé sur Internet il y a des années d'une faute dans un jeu, à un moment donné, puis ils ont mis Bob-Om à la place de Bomb. Normal. Et boy, c'est compliqué tout ça. Ça nous amène à parler de choses qui sont passées sur Internet cette semaine. Voici Wow What Web. Ah oui, donc Somebody Set Up Us the Bomb, là, c'est le même jeu que All Your Base Are Belong to Us. Là, c'est la version en anglais du jeu vidéo japonais Zero Wing en 1991. Voilà. Donc, Wow What Web, c'est notre survol d'Internet en général. Et commençons, on va faire un petit bloc jeux vidéo, thématique jeux vidéo cette semaine. Commençons par Mario, bien sûr, étant donné qu'on est dans le moule, dans le domaine du Mario depuis la semaine passée. À quelle vitesse va Mario? Et combien de distance parvient-il à courir dans le jeu Super Mario Brothers? Hein? Donc, on essaie d'extrapoler la distance de chaque tableau en présumant la grandeur de Mario. Et son coup de jambe, son battement de jambe de l'homme moyen, en fait. Donc, Nick Green, chez Mental Floss, a calculé que Mario court à environ 5,4 km entre le monde 1-1 et le monde 8-4. Donc, c'est la distance qui fait 5,4 km. C'est seulement sur le sol. Ça ne compte pas quand il revient en arrière, quand il avance de tableau par rapport à un bonus qu'il a rattrapé. Et bien sûr, il descend, il remonte, il redescend, il arrête, il repart. Hein. Donc, les tableaux d'eau ajoutent 371 mètres, qui est plus de 7 longueurs de piscine olympique. Donc, après avoir fait son 5 km, il va sauter dans l'eau pour faire 400 mètres de freestyle. Voilà. Ensuite de ça, toujours dans le domaine de Mario, on va l'entendre un support auditif. On va l'entendre quelqu'un qui joue la chanson thème de Super Smash Brothers sur Wii U et Nintendo 3DS version Gazoo. Pourquoi pas? Donc c'est l'utilisateur de YouTube, qui s'appelle Tosco G. Voilà, vous pouvez le trouver aussi sur Twitch. C'est dans le modèle très connu maintenant et très répandu des écrans séparés. Donc, dans chacun des 9 carrés, dans certains carrés, il fait des bruits de bouche, d'autres des bruits de gazou et le logo d'ami. Très bon. Il a aussi fait des chansons thèmes de F-Zero et Golden Sun. Il y a aussi la chanson thème de Pokémon, Tetris, Super Mario et Legend of Zelda par un autre artiste joué sur des bouteilles que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. On va rester dans la musique pour aller entendre une version au violon maintenant de la chanson de Mario. Donc par TEPPEI, déguisé en habit blanc. Oh, que c'est joli, les petits sons. Est-ce qu'il va descendre dans le tuyau? Est-ce qu'il va prendre la vie? Prends la vie. J'ai pas pris le tuyau. Ah. J'ai pas pris l'étoile non plus. Moi, bah. Ça vaut plus la peine de la regarder. Ah, il a pris l'étoile. Ah, l'étoile est supposée continuer pendant que tu peignes les cendres. Tombe, tombe dans le trou, tombe dans le trou. Meurs. Ah, il va aller jusqu'au drapeau, c'est ça. C'était les scènes. C'était cute, ça. C'était très cute. Il continue avec le sous-sol, la cave, évidemment, mais on passera pas toute la journée là-dessus. Ici, c'est le légendaire commentateur de lutte, Jim Ross, qu'on ajoute dans une série de jeux vidéo pour voir de quoi ça a l'air. On est dans un jeu où quelqu'un tire et prend le corps de quelqu'un pour le slammer par terre. Il y a le fait que je comprends absolument rien à ce que le gars dit, mais mon Dieu Seigneur! Attends un peu, attends un peu! N'oses-tu pas? Bon. Donc on l'a vu à date jouer dans Zelda, dans Flappy Bird, dans un shooter quelconque qui se ressemble tout pareil. Ça, c'est le petit jeu de cuisine où on fait cuire du bacon dans une poêle puis dit allons voir ce que le rock cuisine, c'est de What the Rock is Cooking. One shudders to imagine what inhuman thoughts lie behind that mask. Bon. L'idée est super bonne, l'exécution un peu moyenne. J'imagine que c'est difficile de capturer les sons dans le match de lutte. On va revenir à la musique, je pense que c'était meilleur tantôt. Celui-ci, c'est un gars qui s'appelle Holly Longs. Il refait la chanson, une chanson de Zelda, Legend of Zelda, A Link to the Past, au banjo. Il y a aussi quelques guitares là-dedans. C'est encore à la mode de l'écran séparé. Cette fenêtre d'instruments et une fenêtre de jeu. Il y a ce qui essaie d'être le plus fidèle possible au jeu, à la trame sonore, en achetant un petit twang de banjo. Vous pouvez le trouver sur YouTube, il s'appelle Banjo Guy Holly, O-L-L-I-E. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait celui-là, c'est impressionnant. Mais c'est toujours impressionnant. Moi, ces trucs-là, en écran séparé, ça m'a toujours impressionné, je trouve ça vraiment fou. Comment tu fais pour te timer, comment tu fais pour tout, là? Tout, tout! Le montage, après ça, ça doit être la job comme ça, c'est pas bon. On va continuer en parlant, tiens, d'un shooter où il faut absolument tricher pour gagner. Hein? Pourquoi pas? Donc, évidemment, arrête de regarder mon écran. C'est toujours quelque chose qu'on entend dans les jeux vidéo, surtout les shooters. Les gens veulent pas que l'autre triche, mais dans ce cas-ci, dans Screen Cheat, c'est la seule façon de gagner. Donc, c'est un shooter multijoueur compétitif qui ressemble à n'importe quel autre, évidemment, comme tous les autres shooters. Sauf que celui-là a comme 17 millions de couleurs, là, selon Kotaku.com. L'atout, c'est que tout le monde est invisible. Pas invincible, mais bien invisible. Donc, on doit regarder l'écran de son opposant, de son ennemi, pour savoir littéralement où tirer. Donc, c'est ça, Screen Cheat, qui est un jeu à 4 joueurs. Il y a un mode Deathmatch, un mode Meurtre et Mystère. Un concept quand même assez intéressant. Il y a une petite vidéo que j'ai postée sur assemblagerockey.com. Ça ne servira pas à grand-chose de la regarder quand même, parce qu'on comprend en le disant. Mais Screen Cheat va être disponible sur Steam très bientôt. Donc, c'est Screen Cheat. Je vais laisser jouer notre ami. Ah, il est prêt, il est presque fini. Il est presque fini. Encore une fois, c'est Banjo Guy Holly ou de son vrai nom, Holly Longs. La chanson reine de Machinima qui distribue le vidéo. Donc, retournons à WoWatWeb, notre petit survol Internet, en parlant d'un Game Boy qu'on peut imprimer en 3D, mais qu'on appelle plutôt un Game Girl ici. C'est Adafruit qui nous montre comment construire notre propre Game Girl avec une imprimante 3D, un ordinateur Raspberry Pi et plusieurs morceaux électroniques dans une petite vidéo que je vous laisse sur assemblagerequis.com. Ensuite, les mondes en 8 bits sont beaucoup plus gros qu'on le réalise. Hein? Littéralement, il y a des centaines de chaînes sur YouTube qui nous offrent des playthroughs, donc où on nous propose de regarder du début à la fin quelqu'un en train de jouer à un jeu vidéo. C'est bien populaire. Le Twitch.tv qui vient d'être racheté par Google, c'est bien ça? C'est ça? Je me rappelle plus. Je pense que oui. Google, oui. Ouais. Colin, j'avance des affaires, puis je suis sûr. Je me rappelle avoir lu une nouvelle là-dessus, mais pour vrai, ça m'intéresse tellement un peu. Oui, donc Google a acheté le site Twitch.tv pour un montant d'argent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça que les gens veulent regarder des jeux vidéo? Ben, ça veut dire que qu'on pourrait s'imaginer d'avoir un caméraman derrière son épaule et qu'on pourrait après ça remettre tout ça ensemble pour essayer de reculer en arrière. T'sais, si le caméraman pouvait reculer vraiment loin en arrière de ton écran de télévision et que le jeu continuait des deux côtés, les mondes seraient probablement vraiment beaucoup plus impressionnants. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire sur YouTube. On a augmenté la résolution des jeux pour montrer de quoi ça a l'air. Donc ici, dans la première vidéo, dans Super Mario 3, déjà, on sait que les tableaux sont super longs, mais quand on les regarde mis bout à bout, parce que là, sur l'écran YouTube, on montre la carte séparée en genre de rangée. Donc, je suis en train de la regarder en ce moment, il y a 50 minutes. Donc, à la place de regarder le jeu du début à la fin en mode normal, je vais juste un petit peu avancer. Et voilà, voilà. Donc, on commence en montrant la carte du jeu, donc du monde, empilée, donc en deux ou trois rangées de suite. Et ensuite, on montre vraiment les tableaux. À l'intérieur du tableau, c'est de loin. Donc, vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'on... Au fond, on voit pas le tableau complet. J'ai de la misère à l'expliquer. C'est un petit peu visuel, tout ça. Mais à la place de voir le tableau complet, on voit juste de vraiment plus loin. Donc, on voit venir les choses. Et il a gardé les barres qui apparaissent en bas de l'écran de leur grandeur d'origine. Donc, il a seulement agrandi certaines portions. Il y a vraiment beaucoup de travail de montage. Vraiment, vraiment beaucoup. Il a transféré ces jeux-là en 4K. Donc, vraiment, la technologie de télé 4K après le 1080p, le 4 fois plus. Donc, il a aussi fait Battletoads, un des jeux les plus difficiles de toute la vie. Et il y a les bateaux de Mario Bros 3, mais il les a empilés les uns par-dessus les autres. Pour montrer quoi ça a l'air, c'est très très beau. On vous recommande de mettre la qualité à son maximum sur YouTube et de regarder ça sur un écran large pour tirer le plus de profit possible. Un pirate d'un jeu vidéo se out complètement sur Twitter. Vous connaissez peut-être le jeu Skullgirls encore. Donc, selon une conversation Twitter entre un des joueurs de Skullgirls encore et le développeur LabZero, Colin, le joueur a prouvé qu'il était un pirate. Dan Ibiki a reçu un message étrange après avoir battu le jeu. Il a tweeté l'image du texte au compte officiel de Skullgirl. Donc, le message disait... attends un peu. « Quelle est la racine carrée d'un poisson? Maintenant, je suis triste. » Donc, « Quelle est la racine carrée d'un poisson? » Il a tweeté cette photo-là au compte officiel de Skullgirls qui a répondu avec « Ah, ça veut juste dire que tu devrais probablement acheter le jeu à la place de le pirater. » Hein? Donc, Ibiki s'est excusé pour sa piraterie et LabZero lui a dit qu'il devrait essayer de faire la bonne chose éventuellement. Et donc, Ibiki a demandé plein d'autres questions sur le jeu. Il essaie d'être super poli, de se racheter un petit peu. Il a demandé, j'espère que, tu sais, est-ce que vous allez ajouter des modes versus? J'espère qu'il serait quand même vraiment pas cher et tout. Donc, LabZero dit, il n'y a jamais rien qui est pas cher ou gratuit. Hein? Parce qu'il faut l'implanter, travailler là-dessus, changer, faire l'interface utilisateur, traduire pour différents pays, tester le jeu. Donc, c'est sûr que le jeu sera pas gratuit, il va coûter de l'argent. Parce que le gars, dans le fond, c'est un pirate, puis lui, il trouve que même une compagnie indépendante ou petite ne mérite pas l'argent qu'il mérite. Non, c'est un peu ça que ça veut dire. C'est bon. Chacun son opinion là-dessus, là. Hein? On partira pas un débat sur qu'est-ce qu'on devrait payer, qu'est-ce qu'on devrait pas payer, dépendant du prix ou de la compagnie envers qui l'argent va. Ensuite de ça, on vient avec... ça, c'est super simple. C'est une carte. On nous montre un dessin de boutons de jeux vidéo à l'échelle. Donc, si on montre des touches d'ordinateur, grandeur réelle, à côté de ça, de quelle grandeur serait chacun des boutons des consoles de jeux vidéo? Donc, on a fait un petit graphique de ça. C'est en noir et blanc. Il y a des boutons de différentes consoles, que ce soit Super Nintendo, les boutons Start, Select, A, B, GameCube, Nintendo 64. Tout est là. C'est par Matthew Kenyon sur assemblagerequis.com. Il y a un jeu pour Super Nintendo au Japon. En tout cas, à l'époque, il y avait un jeu. C'est un utilisateur sur Twitter, NO3Yamugi, qui a envoyé ces photos-là du livre d'instruction d'un jeu. La section, il y a une section soulignée dans l'image, ça dit « Vous pouvez utiliser votre main droite librement ». Donc, l'image a été retweetée 7000 fois. C'est que, dans le fond, dans le jeu, on est supposé prendre le jeu, la manette de jeu, dans sa main gauche, d'une certaine façon, pour avoir la croix directionnelle sous le pouce. Et on est supposé pouvoir utiliser sa main droite pour faire d'autres choses, clin d'œil. Donc, c'est un jeu pour adultes des années 90 pour Super Nintendo. Ben, en fait, l'équivalent japonais qui est la Super Famicom. Les jeux de la série SM Teacher, voilà, n'ont jamais eu le sceau d'approbation de Nintendo, évidemment, et même étaient vendus pour la Super Famico et la Super Famicom pour éviter les poursuites légales et tout ça. Donc, le site Gaming Sanctuary dit que les développeurs ont imprimé 5000 copies de SM Teacher Volume 2 Remix, 5000 copies pour des gens qui se sont touchés avec leur main droite seulement. Il y a un nouveau meme sur Internet où on fait porter des lunettes à des Pokémon. Aussi simple que ça, les Pocket Monsters sont très jolis en lunettes. Depuis les derniers jours, on en voit beaucoup de photos sur Twitter et les autres réseaux sociaux de Pokémon en train de porter des lunettes. Pourquoi pas? Et le designer du jeu de Pokémon, donc Junichi Masuda, a même retweeté certaines photos. Voilà. Je crois que c'est les trucs promotionnels de Pokémon où certains Pokémon portaient des lunettes qui ont inspiré ce meme. Pikachu le hipster. Il y a un nouveau mode, une modification qui vous permet de prendre des selfies dans Grand Theft Auto 4. Donc, Nico, Johnny et Louis peuvent maintenant prendre des selfies dans Grand Theft Auto. Et les résultats peuvent être quand même amusants. Donc, allez voir la petite vidéo sur assemblagerequis.com. Vous allez aussi télécharger le mode, les instructions et des captures d'écran sur la page GTA X Scripting. On peut trouver aussi une bande-annonce avec beaucoup trop de dubstep dedans que je ne jouerai pas en ondes. Sur imgur.com, un site d'hébergement de photos, on essaie de prendre des captures d'écran, en fait, pas des captures d'écran, des vraies photos de jeux vidéo joués sur des vieux écrans, sur des vieux écrans de télé. Donc, le gars va réussir avec un adaptateur et un convertisseur à brancher des consoles comme la Xbox 360. Il va jouer à ces jeux-là sur sa vieille télé des années probablement 70. Et il va prendre des photos d'assez loin pour qu'on puisse vraiment voir bien tout ça. Et c'est des photos de très, très, très bonne qualité. Il joue même à Xbox Live sur cette vieille télé-là. Mais évidemment, il faut l'équipement pour. C'est quand même assez pas complexe, là, mais il faut vraiment le vouloir. Donc, c'est sur assemblagerequis.com. Une méthode maintenant pour convertir des vidéos à la première personne, par exemple capturer avec une GoPro, une caméra qu'on tient sur son casque pendant des activités comme l'escalade, la bicyclette, etc. Donc on transforme ça en vidéo hyperlapse, ce qui veut dire du timelapse, mais avec une caméra qui bouge très très très lentement. Et donc c'est quand même compliqué à expliquer. Donc c'est avec un taux accéléré de capture, on va... j'essaierai même pas de l'expliquer. Mais parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais donc, on prend la vidéo à la première personne. On va faire un timelapse 10 fois. Comme ça, si ma vidéo pouvait jouer au complet. Ici, voilà. Ensuite, on va stabiliser la vidéo. Parce que dans le fond, c'est sur un casque, c'est sur une GoPro. Donc, la vidéo a tendance à shaker. On va faire de la stabilisation d'image. Et on va ensuite pouvoir aller vraiment en accélérer. Par exemple, faire une balade de vélo qui aurait duré 3 heures à la faire en peut-être, je sais pas... En accéléré, là, peut-être pas... ouais. Parce que 10 fois, ça a l'air un petit peu bizarre. Mais si on la fait en presque temps réel, je suis un petit peu plus vite et que c'est stabilisé, t'as juste l'air d'avoir sorti de ton corps et d'avoir visité un endroit. C'est super bien fait. Hyperlapse, encore une fois, j'ai de la difficulté à l'expliquer à de vive voix. Mais allez voir sur assemblagerequis.com. Finalement... Des couvertures de jeux vidéo classiques réimaginées comme si c'était des livres Goosebumps par R.L. Stine. On se rappelle tous des chairs de poule de notre jeunesse. Donc ici, on reprend des jeux vidéo et puis on les renomme. Comme ici, on le renomme Escape the Sunken City of Doom. Donc il y a des jeux comme Bioshock, Tomb Raider, Silent Hill réimaginés par... en fait, c'est un Tumblr. C'est If It Were Stine. Et c'est un Tumblr par un designer de couverture Theodore Homestead Scott. Et l'auteur Jude DeLuca qui va écrire un texte par rapport à ces jeux-là. Il va réimaginer donc des films d'horreur, si on veut, des jeux vidéo en films d'horreur. Voilà. Donc, assemblagerequis.com pour les liens de toute la chronique WoWat Web. Il y en avait quand même pas mal du contenu dans cette affaire-là. Moi, j'ai bien aimé ça, faire le tour d'Internet. Je pense que c'est pas mal ce que j'ai fait tous les jours sur Internet, comme vous. Donc voilà pour le Mathieu Plante Show. On se retrouve la semaine prochaine, les lundis, entre midi et 14h, pour une des dernières semaines. En fait, on termine le mois d'août. Et après ça, on va revenir à un autre horaire. Est-ce que j'ai mis... J'ai changé mes thèmes, hein, fait que j'ai pas mis le bon thème. C'est celui-là ici. Voilà. Donc, c'est ce qui termine notre édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve donc la semaine prochaine, je l'ai dit, lundi entre midi et 14h. On repasse les mercredis à 17h pour le reste du mois d'août. Je vous retrouve aussi au Palmarès Cifou et à Assemblage Requis les jeudis de 14h à 18h. Consultez la programmation sur cifou.ca. Retrouvez les liens et les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook pour connaître le plan avant tout le monde. C'est facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!